Chapitre 13. De quelle manière il faut combattre la sensualité et quels actes la volonté doit produire pour acquérir les habitudes des vertus. Lorsque vous sentez la volonté de Dieu et l'appétit sensitif se disputer la possession de votre cœur, vous devez, pour faire triompher en vous la volonté divine, prendre les moyens suivants. Dès que les mouvements de l'appétit sensitif s'élèvent en vous, opposez-leur une vigoureuse résistance, de peur qu'ils n'entraînent à leur suite la volonté supérieure. Ces premiers mouvements apaisés, réveillez-les en vous pour les réprimer avec plus de force et de vigueur. Provoquez-les ensuite à un troisième combat, afin de vous accoutumer à les repousser avec horreur et dédain. Ces deux derniers moyens sont excellents pour dompter les appétits désordonnés, hormis pourtant les passions charnelles dont nous parlerons en un autre endroit. Enfin, produisez des actes opposés aux passions que vous voulez vaincre. Un exemple éclaircira ma pensée. Vous êtes, je suppose, porté au mouvement d'impatience. Si vous êtes bien recueilli en vous-même et attentif à ce qui se passe dans votre intérieur, vous remarquerez que ces mouvements s'attaquent sans relâche à la volonté supérieure pour la faire fléchir et obtenir son consentement. Usez alors du premier moyen que nous vous avons indiqué. Opposez à chacun de ces mouvements une résistance opiniâtre et faites tous vos efforts pour empêcher la volonté d'y donner son consentement. N'abandonnez pas la lutte avant que l'ennemi, abattu et terrassé, vous ait rendu les armes. Mais voyez la malice du démon. Lorsqu'il s'aperçoit que nous résistons courageusement au mouvement d'une passion quelconque, il cesse de les exciter en nous et cherche même à les apaiser. Il veut par là nous empêcher d'acquérir à l'aide de cet exercice l'habitude de la vertu contraire et nous faire tomber dans les pièges de la vaine gloire et de l'orgueil, en nous insinuant qu'il ne nous a fallu, comme aux vaillants soldats, qu'un instant pour faire tomber l'ennemi à nos pieds. Vous passerez donc au second combat. Vous rappellerez à votre mémoire et réveillerez en vous-même les pensées qui vous ont excité à l'impatience. Et quand vous sentirez l'émotion gagner la partie sensitive, vous en réprimerez les mouvements avec un redoublement de force et de vigueur. Bien que nous repoussions nos ennemis en vue de bien faire et de nous rendre agréables à Dieu, il n'en est pas moins vrai que bien souvent nous n'avons pas pour eux toute la haine qu'ils méritent, et qu'ainsi, nous courons le risque de succomber à de nouvelles attaques. Pour échapper à ce danger, livrez-leur un troisième assaut, et chassez-les loin de vous, non seulement avec des sentiments d'aversion, mais avec un suprême mépris, jusqu'à ce qu'il ne soit plus pour vous qu'un objet d'horreur et d'abomination. Enfin, pour orner et enrichir votre âme des habitudes et des vertus, il faut produire des actes intérieurs directement contraires à vos passions déréglées. Vous voulez par exemple acquérir l'habitude de la patience, et voilà qu'une marque de mépris qu'on vous donne fait naître en vous un mouvement d'impatience. Ne croyez pas qu'il vous suffise de prendre les trois moyens que j'ai indiqués plus haut. Non, il faut en outre aimer l'affront qu'on vous fait, désirer d'être souvent méprisé de la même manière et par la même personne, et vous disposer à souffrir de plus grands outrages encore. La nécessité où nous sommes pour arriver à la perfection de poser des actes de vertu contraires au vice qui nous assiège vient de ce que les autres actes, si vigoureux et si multipliés qu'ils soient, sont impuissants à arracher la racine du mal. Ne sortons point de notre exemple. Quoique nous refusions notre consentement au mouvement d'impatience que les affronts éveillent en nous, que nous employions même pour les dompter les trois moyens mentionnés plus haut, il n'en est pas moins vrai qu'à moins de nous habituer à l'aide d'actes souvent répétés à aimer les opprobres et à nous en réjouir, jamais nous ne pourrons nous débarrasser entièrement du vice de l'impatience qui a pour racine l'horreur de tout ce qui va à l'encontre du besoin d'estime que nous ressentons naturellement en nous-mêmes. Aussi longtemps que cette racine vicieuse demeure vivante en notre cœur, elle pousse continuellement des rejetons qui rendent la vertu languissante et finissent parfois par l'étouffer entièrement, sans compter qu'elle nous tient dans un péril continuel de retomber à la première occasion qui se présentera. Il suit de là que, si nous ne posons des actes contraires aux vices que nous voulons combattre, jamais nous n'acquérerons l'habitude solide des vertus. Encore faut-il que ces actes soient souvent répétés. L'habitude du vice s'est formée en nous par la multiplication des actes vicieux. Il faut donc des actes multipliés pour l'extirper de notre cœur et y introduire l'habitude de la vertu. Je vais plus loin. Et je dis qu'il faut plus d'actes bons pour former en nous l'habitude de la vertu que d'actes mauvais pour y créer l'habitude du vice, par la raison que la corruption de notre nature favorise cette dernière habitude et va à l'encontre de la première. J'ajoute aux précédentes observations que si la vertu à laquelle vous vous exercez le comporte, vous devez joindre aux actes intérieurs les actes extérieurs correspondants. Ainsi, pour nous tenir toujours au même exemple, vous devez répondre avec douceur et charité à ceux qui vous maltraitent et profiter des occasions que vous aurez de leur rendre service. Si faibles que vous paraissent ces actes intérieurs et extérieurs, votre volonté semble à elle-même n'y point avoir de part, gardez-vous bien de les abandonner. Nonobstant leur faiblesse apparente, ils vous soutiennent dans le combat et vous aplanissent le chemin de la victoire. Soyez attentifs à ce qui se passe au-dedans de vous et attachez-vous à combattre jusqu'au moindre mouvement désordonné que vous y découvrirez. Les petites passions ouvrent la voie aux grandes et les habitudes vicieuses finissent par s'emparer de notre âme. Combien pour avoir négligé de résister aux attaques légères d'une passion dont ils avaient repoussé les plus violents assauts, combien, dis-je, attaqués ensuite plus vigoureusement au moment où ils y songeaient le moins, ont subi une défaite plus désastreuse que jamais. Je vous conseille encore de vous appliquer à mortifier vos désirs, même dans les choses permises. Cette mortification procurera de grands avantages et vous rendra plus facile et plus prompte la victoire à remporter sur vous-même dans les choses défendues. Vous en deviendrez plus fort et plus aguerri dans le combat que vous soutenez contre vos tentations, vous éviterez diverses embûches du démon et vous vous rendrez en même temps très agréable au Seigneur. Laissez-moi vous parler clairement. Si vous persévérez dans ces exercices si salutaires, si propres à réformer votre intérieur et à vous faire triompher de vous-même, je vous promets que vous avancerez à grands pas dans la voie de la perfection et que vous deviendrez véritablement spirituel et non pas de nom seulement. Mais si vous vous engagez dans une autre voie, si vous choisissez d'autres pratiques, quelque excellentes que ces pratiques vous paraissent, quelque délice que vous y goûtiez, eussiez-vous même la persuasion d'être étroitement uni à Dieu et de vous entretenir intimement avec lui, soyez convaincu que jamais vous n'acquérerez la véritable spiritualité. La perfection, vous ai-je dit au chapitre premier, ne consiste pas dans les pratiques qui charment et flattent notre nature, mais dans les exercices qui l'attachent à la croix, avec toutes ses affections. C'est par là que les vertus s'acquièrent et que l'homme intérieurement renouvelé s'unit à son Sauveur crucifié et à son divin Créateur. S'il est clair pour tous que les habitudes vicieuses se forment par les actes réitérés de la volonté supérieure cédant aux appétits des sens, il n'est pas moins évident que les saintes habitudes s'acquièrent par la fréquente répétition d'actes conformes à la volonté divine qui nous appelle à pratiquer tantôt une vertu, tantôt une autre. De même que la volonté, malgré les assauts violents qu'elle subit du côté des sens et des passions, ne peut devenir l'esclave du vice et des désirs terrestres si elle ne cède elle-même à l'effort de la tentation, de même aussi elle ne peut, quelque forte que soit l'action de la grâce, devenir véritablement vertueuse et unie à Dieu si elle ne se conforme par ses actes intérieurs et au besoin par ses actes extérieurs aux inspirations de la grâce divine. Chapitre 14. De la conduite à tenir quand la volonté semble vaincue et dominée par l'appétit sensitif. S'il vous semble parfois impossible de repousser les assauts des passions et des ennemis qui vous obsèdent, et cela parce que vous ne sentez point en vous-même une volonté efficace de leur résister, tenez bon cependant, vous avez le droit de vous croire victorieux, aussi longtemps que vous n'aurez point la certitude d'avoir succombé. Comme la volonté supérieure n'a pas besoin de l'appétit sensitif pour produire les actes qui lui sont propres, jamais la violence de l'attaque ne peut, malgré elle, la forcer à s'avouer vaincue. Dieu a doté notre volonté d'une liberté et d'une force telle qu'alors même que toutes les passions, tous les démons et toutes les créatures se ligueraient ensemble pour la combattre, elle conserverait, en dépit de leurs efforts, une liberté complète de faire ce qu'elle veut et de ne pas faire ce qu'elle ne veut pas. Et cela autant de fois, aussi longtemps, de la manière et pour la fin que bon lui semble. Si vos ennemis vous attaquent et vous pressent avec tant de violence que votre volonté, en quelque sorte étouffée, ne puisse plus reprendre haleine pour se dégager de leur étreinte, ne perdez point courage et ne jetez point les armes. Mais appelez la parole à votre aide et criez au tentateur. Jamais je ne céderai à tes suggestions. Arrière, arrière, je ne veux point de toi. Faites comme un homme qui, se trouvant aux prises avec un ennemi acharné et ne pouvant le percer de son épée, le frappe avec le pommeau. Et de même qu'il s'efforce de reculer de quelques pas pour pouvoir donner de la pointe à son adversaire, Ainsi retirez-vous en vous-même, considérez votre impuissance et votre néant, et, ranimant votre confiance en Dieu, élancez-vous sur la passion ennemie en vous écriant « Aidez-moi, ô Seigneur et mon Dieu. Jésus et Marie, venez à mon secours, de peur que je ne succombe. » Et si l'ennemi vous en laisse le temps, appelez l'entendement au secours de la volonté. Faites les considérations qui vous sembleront les plus propres à relever votre courage et à ranimer vos forces épuisées. Prenons un exemple. Vous êtes, je suppose, sous le poids d'une persécution ou de toute autre peine et vous vous sentez porté à l'impatience au point de ne pouvoir ou de ne vouloir plus rien souffrir. Fortifiez votre volonté en arrêtant votre pensée sur les considérations suivantes ou sur d'autres semblables. Premièrement, voyez si vous ne méritez pas le mal que vous endurez et si vous n'y avez pas donné occasion. Si ce mal est arrivé par votre faute, dites-vous que ce n'est que justice de souffrir patiemment les blessures que l'on s'est infligées à soi-même. Deuxièmement, si vous n'avez rien à vous reprocher à cet égard, rappelez à votre souvenir les fautes dont Dieu ne vous a pas encore châtiées ou que vous n'avez pas encore expiées vous-même par la pénitence. Et, voyant que Dieu daigne en sa miséricorde commuer la peine éternelle ou temporelle qui vous était réservée dans l'autre monde, en cette peine incomparablement plus légère qu'il vous envoie ici-bas, recevez-la non seulement avec joie, mais avec action de grâce. Troisièmement, si vous croyez avoir fait beaucoup de pénitence et peu offensé la majesté divine, pensée contre laquelle il faut vous prémunir toujours, songez qu'on entre dans le royaume des cieux que par la porte étroite des tribulations. Quatrièmement, considérez que si une autre voie vous était ouverte, la loi d'amour devrait vous empêcher de la suivre, puisque le Fils de Dieu et les saints, qui sont ses membres, sont entrés au ciel par un chemin semé d'épines et de croix. Enfin, ce que vous devez surtout envisager ici et en toute chose, c'est la volonté de Dieu. Il a tant d'amour pour vous qu'il prendra un plaisir extrême à voir les actes de vertu et de mortification que vous accomplirez pour correspondre à son affection et vous montrer fidèle et généreux défenseur de sa cause. Tenez pour certain que plus la persécution sera injuste et odieuse de la part de son auteur, et partant plus pénible pour vous, plus aussi votre constance sera agréable au Seigneur. Elle lui montrera que, jusque dans les choses répréhensibles en elles-mêmes et pour vous remplies d'amertume, vous savez approuver et aimer cette volonté adorable qui fait plier sous sa loi les événements qui lui sont le plus contraires et les ramener à l'ordre invariable de sa providence. Chapitre 15. Quelques avis touchant la manière de combattre, et spécialement contre qui et avec quel courage il faut le faire. Vous connaissez les moyens à prendre pour vous vaincre vous-même et embellir votre âme des ornements de la vertu. Apprenez aujourd'hui que, pour triompher de vos ennemis avec plus de promptitude et de facilité, il est éminemment utile, nécessaire même, que vous déclariez une guerre continuelle à vos vices et tout spécialement à l'amour-propre, et que vous vous accoutumiez à aimer, comme vos plus chères délices, les méprises et les outrages que le monde vous prodiguera. Si les victoires sont difficiles, rares, incomplètes et peu durables, il faut, ainsi que je l'ai insinué déjà, en attribuer la cause au peu de soins que l'on apporte à se préparer à ce combat et au peu d'estime qu'on en fait. Sachez, en outre, que ce combat doit être soutenu avec un courage à toute épreuve. Ce courage, vous l'obtiendrez infailliblement si vous le demandez à Dieu et si, après avoir considéré la rage de vos ennemis, la haine implacable qui les anime et les bataillons nombreux dont ils disposent, vous songez que la bonté de Dieu et son amour pour vous l'emportent infiniment sur la haine des démons et que les anges et les élus qui combattent avec vous sont plus nombreux que les satellites de Satan. C'est cette considération qui a rendu tant de faibles femmes victorieuses de la puissance et de la sagesse du monde, des assauts des passions et de la rage de l'enfer. Que l'ennemi donc redouble d'efforts, que la lutte se prolonge au point de vous faire croire qu'elle ne finira qu'avec votre vie, qu'elle vous menace de plusieurs côtés à la fois d'une ruine presque certaine, ce n'est pas une raison de vous épouvanter. Sans revenir sur ce que nous avons déjà dit, vous devez savoir que toutes les forces et tous les artifices de nos ennemis sont dans les mains du divin capitaine, pour l'honneur duquel nous combattons. Puisqu'il a ce combat en si grande estime et qu'il nous y appelle avec tant d'insistance, il ne permettra pas que vos ennemis vous surprennent, mais il combattra lui-même pour vous et les livrera vaincus entre vos mains à l'heure qu'il lui plaira. Mais toujours à votre plus grand avantage, dût-il différer la victoire jusqu'au dernier jour de votre vie. Tout ce qu'il demande de vous c'est que vous combattiez généreusement et que, si nombreuses que soient vos blessures, vous ne déposiez jamais les armes ni ne preniez la fuite. Enfin, pour soutenir vigoureusement la lutte, sachez qu'elle est inévitable et que refuser le combat, c'est assurer votre défaite et votre ruine. Vous avez affaire à des ennemis si acharnés à votre perte qu'il n'y a ni paix ni trêve à espérer de leur part. Chapitre 16. Comment le soldat de Jésus-Christ doit se mettre en campagne dès le matin. La première chose que vous avez à faire à votre réveil, c'est d'ouvrir les yeux de l'âme et de vous considérer comme en un champ clos, avec cette loi expresse que celui qui ne combat pas doit périr à jamais. Là, vous vous figurerez être en présence de votre ennemi, je veux dire de cette inclination mauvaise que vous avez déjà entrepris de combattre et qui se tient tout armé pour vous blesser et vous donner la mort. À votre droite, vous verrez Jésus-Christ, votre invincible capitaine, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux bien-aimé, d'innombrables troupes d'anges et de saints, parmi lesquels l'archange Saint-Michel. À votre gauche, vous verrez le démon et ses satellites, prêts à exciter la passion ennemie et à vous persuader de céder à ses suggestions. Vous vous imaginerez alors entendre la voix de votre ange gardien, vous parlant de la sorte. Vous avez aujourd'hui à combattre contre cet ennemi et contre d'autres encore. Ne craignez point, ne perdez point courage, ne cédez ni à la frayeur, ni à quelque considération que ce soit, car votre Seigneur et votre Capitaine est ici près de vous avec ses glorieuses phalanges, pour combattre avec elles contre vos ennemis, et il ne souffrira pas qu'ils vous soumettent par la force ou la ruse. Demeurez ferme, faites-vous violence, quoi qu'il doive vous en coûter parfois. Criez souvent au secours du plus profond de votre cœur. Appelez à votre aide votre Seigneur, la Vierge Marie et tous les saints, et vous remporterez infailliblement la victoire. Si vous êtes faible et peu aguerri, si vos ennemis sont forts et nombreux, songez que les troupes de celui qui vous a créé et racheté sont plus nombreuses encore, que votre Dieu est infiniment plus puissant que votre ennemi, et qu'il désire bien plus ardemment vous sauver que le démon ne désire vous perdre. Combattez donc, et ne vous lassez jamais de souffrir, de cette fatigue, de la violence que l'on déploie contre ces mauvaises inclinations, de la peine que l'on éprouve à surmonter les habitudes mauvaises, naissent la victoire et ce trésor inestimable qui procure le royaume du ciel et l'éternelle union de l'âme avec son Dieu. Vous commencerez le combat au nom du Seigneur et vous prendrez pour arme la défiance de vous-même, la confiance en Dieu, la prière et l'exercice de vos puissances spirituelles. Vous appellerez au combat cet ennemi et cette passion que vous vous êtes proposé de vaincre, selon l'ordre indiqué ci-dessus. Vous lui opposerez tantôt la résistance, tantôt la haine, tantôt les actes de la vertu contraire, lui donnant ainsi coup sur coup des blessures mortelles pour plaire au regard de votre divin maître qui est là, avec toute l'église triomphante, à contempler votre combat. Je vous répète que vous ne devez point vous lasser de combattre, mais considérez l'obligation qui nous incombe à tous de servir Dieu et de lui plaire, et la nécessité où nous sommes de combattre, attendu que nous ne pouvons abandonner le champ de bataille sans être blessés et blessés à mort. J'ajoute qu'en fuyant loin de Dieu comme un rebelle, et en vous donnant au monde et au plaisir de la chair, vous n'échapperez point à la peine. Il vous faudra combattre malgré vous, et vous serez en butte à tant de contrariétés que vous sentirez souvent la sueur inonder votre front et des angoisses mortelles pénétrer votre cœur. Considérez ici quelle folie il y aurait à s'imposer un travail si rude, avec les perspectives de tourments infiniment plus horribles et d'une mort éternelle, et cela pour échapper à une peine passagère qui nous conduit à la vie éternelle et infiniment heureuse, où l'âme jouit de la présence de son Dieu. Chapitre 17. De l'ordre à suivre dans la lutte que nous avons à soutenir contre nos passions. Il est extrêmement important de connaître l'ordre à suivre dans ce combat, afin de ne pas agir au hasard et par caprice, comme plusieurs le font au préjudice de leur salut. Pour lutter avec fruit contre vos ennemis et vos inclinations vicieuses, vous devez d'abord rentrer en vous-même et examiner avec soin quelles sont les pensées et les sentiments qui vous occupent habituellement, quelle est la passion qui domine en vous et tyrannise votre cœur. C'est contre cette passion spécialement que vous devez prendre les armes et lutter. S'il arrive que d'autres ennemis vous attaquent, Marchez d'abord à celui qui vous fait la guerre actuellement et de plus près, et puis vous retournerez à votre principale entreprise. Chapitre 18. De quelle manière il faut combattre les mouvements soudains des passions. Si vous n'êtes pas encore accoutumé à parer les coups inopinés des injures ou de toute autre contrariété, attachez-vous, pour acquérir cette habitude, à les prévoir, à les souhaiter ensuite plusieurs et plusieurs fois, et attendez-les avec un esprit préparé à la lutte. Le moyen de les prévoir, c'est, après vous être rendu compte de la nature de vos passions, de considérer les personnes à qui vous avez affaire, et les lieux où vous savez devoir les rencontrer. De la sorte, il vous sera facile de conjecturer les assauts que vous aurez à soutenir. Le soin que vous mettrez à tenir votre âme préparée aux événements prévus vous sera d'un grand secours, même dans le cas d'un accident prévu. Mais voici, en outre, un moyen que je vous conseille. Dès que vous commencerez à sentir l'émotion que vous cause une injustice ou une affliction quelconque, efforcez-vous d'élever votre esprit vers Dieu. Considérez son ineffable bonté et son amour pour vous. Pensez que s'il vous envoie cette adversité, c'est afin qu'en la supportant pour son amour, votre âme devienne plus pure, s'approche de lui et contracte une union plus étroite avec lui. Après avoir considéré combien Dieu se plaît à vous voir supporter patiemment cette adversité, adressez-vous à votre âme et faites-lui ses reproches. Pourquoi ne veux-tu pas porter cette croix qui te vient, non de telle ou telle personne, mais de ton Père céleste lui-même? Puis, vous tournant vers la croix, embrassez-la avec le plus de patience et de joie qu'il vous sera possible, et dites-lui, « Ô croix préparée par la providence divine bien longtemps avant ma naissance, ô croix rendue douce par l'amour ineffable de mon Jésus crucifié, attachez-moi désormais à vous, afin que je sois tout entier à celui qui m'a racheté en mourant sur vos bras. » Si la passion victorieuse d'abord vous empêche d'élever votre âme à Dieu et vous laisse une blessure au cœur, revenez à la charge au plus tôt, comme si vous n'aviez pas été blessé. Mais le remède le plus efficace contre ces mouvements soudains de la passion, c'est de supprimer de bonne heure la cause qui les produit. Si vous remarquez, par exemple, que l'affection que vous avez pour une chose est cause que la moindre traverse vous jette dans une soudaine altération d'esprit, le moyen d'y remédier, c'est de rompre cette attache. Mais si ce trouble provient non de la chose mais de la personne même, si vous éprouvez pour elle une telle aversion que ses moindres actions vous chagrinent et vous impatientent, efforcez-vous pour remédier à ce mal, d'incliner votre volonté à l'aimer et à la chérir, non seulement parce qu'elle est une créature formée comme vous de la main souveraine de Dieu et comme vous rachetée par son sang divin, mais parce qu'elle vous offre l'occasion d'acquérir en la supportant un trait de ressemblance avec votre Seigneur, qui est plein d'amour et de bonté pour tous les hommes.